Oye, Dolores, vamos a bailar. Oye, escucha, qué buena melodía. Pour votre plaisir, son excellence est la Jomar Bongo, médiateur indispensable pour l'Afrique. Jeta, au pati sangwa mabe. Na pesa ka omote majeta Pote yo batela yo te kisi Yo baby saka la simalanga Solo la kamweni yezio Sote mesa na mama Na baku ya bolingo Jeta banza kanai mama Théodore Guéma Obiang La génération d'avenir. Chérie, oh, vous allez à la cabane. N'zela na yo ya ke la si vous en a konangai. Ma benga kayota mole kakalipa sanangai. Si ma eko makande réalité to bala na kao. Kasito zwa ka chanso te a kobota. Na lo balini yo. Na benga na niyo jeta o Jeta, yo pa di sango a mabe Eba pa bolingo, esi la kite Moi moko ima kapo na moto nyoso Moni okanda, mote mando Elixia, tu connais la couleur musicale. Jeta, au pati sango à ma bé. Yeba kaboligo, et si la quitte. Moi, no kobi, ma tapona, moto nyoso. Moni okanda, mote mando, yeye, yeye. Jeta, au pati sango à ma bé. Yeba kaboligo. Si la quitte, moi moko mi macapona moto nyoso. Oni okanda, mote mando kie ye ye. Na pesa ka omote majeta, pote o batela yo te kisi. Yo baby saka la sima nanga. Solo na kamweni yezio Zoto eme sana mama Na baku ya bolingo Jeta Banza kanga imuwa na mama Yanga mote mamo baby Pona maka nisina yoe Na mesana poko anyo soyo peme linanga Tina nini toka mwana nalika mwana ebi tina teo Ngala mboi koswana zonga o Ngala mboi matata o yaka o Ernest Adjovi La force Décora Martin Bongo Maxime Gonzion Maria Jeta Bolingo Yakara Maria Jeta Bolingo Songara Depuis Abidjan, j'appelle Constant et Claude Bassoli de Chauvis Iman Badreddin, Coupe Musique Maître Hervé Obondi, affronte ton label. Mariage est abolingo, yaka. Mariage est abolingo, soka. Na pesa yo bolingo, mwana ya d'adresse. Yo talinga y pamba, Marie. Mariage est abolingo, yaka. Maria, Soka. Maria, Jeta. Maria, Yaka. Maria, Jeta. Maria, Soka. Moi j'aurais voulu ne plus te quitter qu'en ce instant. Wana de bolingo, moi la maman, na benga na nyo. Maria, Jeta. Maria, Yaka. Maria, Jeta, Maria, Yaka.